29e chapitre. La justification. À peine Guéder fut-il dans la salle que Mézarnoux hors de lui s'élança à sa rencontre et lui saisissant le bras avec force. « Monsieur de La Fontenelle, s'écria-t-il d'une voix menaçante, vous êtes un lâche et un misérable. Monsieur de Mézarnoux, répartit Guéder en jetant sur le châtelain un regard dont l'expression était à la fois dédaigneuse et satanique. « Aujourd'hui, en mettant les pieds dans votre manoir, j'ai fait le serment de ne point m'irriter de vos injures et d'éviter toute querelle avec vous. Oui, vous êtes un lâche, répéta Mézarnoux, et maintenant, quelques bonnes actions que vous puissiez faire, vous ne réussirez point à vous laver de toutes vos souillures, car partout où vous vous êtes montré, toujours vous avez été perfide et déloyal. Pourrez-vous jamais vous justifier de l'odieux enlèvement de Marie ? Au moins si, après avoir feint de vous être retiré pour mieux exécuter votre exécrable projet, vous ne vous fussiez emparé que de mon argent et de ma vaisselle. J'aurais dit, Guéder est un pillard comme tant d'autres gentilshommes. Mais non, vous enlevez notre enfant. Et pour assurer l'exécution de ce rapt, vous vous faites accompagner d'une soixantaine de soldats. Vous la conduisez à Saint-Malo, et fort de la crainte que vous inspirez à cause des 2000 hommes auxquels vous commandez, vous nous écrivez une lettre menaçante, sachant que nous sommes impuissants à vous atteindre et à vous faire rendre notre bien. Puis enfin, après nous avoir bravé et fait craindre votre vengeance, vous avez l'audace de venir nous présenter votre malheureuse femme que vous avez eu la scélératesse d'épouser sans notre consentement. Cependant, sachez-le bien, si je n'ai pas été vous provoquer dans votre île après votre crime, je n'ai été arrêté ni par votre puissance, ni par crainte de votre personne. Seulement, à mon grand regret, j'ai été forcé de céder aux prières de Madame de Mézarnoux. Mais, ajouta le châtelain en frémissant de colère, à présent que le roi vous a absous et que vous êtes capitaine à son service, je saurai vous contraindre à me rendre raison du sanglant outrage que vous avez fait à mon honneur. Mézarnoux prononça ces paroles avec une grande véhémence. Sa femme, pâle et tremblante, se jeta en ce moment entre lui et La Fontenelle pour essayer d'apaiser l'orage prêt à éclater. Celui-ci, maître de lui en apparence, parut presque insensible aux injures et aux défis de Mézarnoux. « Maintenant, monsieur, que vous avez exhalé votre colère, s'écria-t-il, veuillez aussi écouter ma justification. Quant à vous, madame, rassurez-vous, je le jure, ni vous ni votre mari, vous n'avez rien à craindre de moi. » « Vos soldats ne sont donc pas cachés cette fois dans les landes de Plounéventer ?» dit Mézarnoux. « Non, monsieur, répondit froidement La Fontenelle. Je n'ai ici que les 2 serviteurs qui m'accompagnaient quand je suis arrivé chez vous. Allons donc, justifiez-vous si vous le pouvez !» s'écria le châtelain avec une agitation croissante. La prunelle fauve et scintillante de La Fontenelle jeta en cet instant un éclair qui glaça d'épouvante la mère de Marie. Mais il ne fut que passager, et presque aussitôt sa physionomie reprit son expression de froideur hautaine. « Tout à l'heure, dit-il en s'adressant à monsieur et à madame de Mézarnoux, j'ai fait retirer votre fille, car je craignais que cette scène violente ne vînt à éclater devant elle. Elle ne devait pas entendre les injures et les outrages dont je viens d'être accablée. C'eût été lui faire endurer des souffrances que la pauvre enfant ne méritait pas. Maintenant, je vous l'ai dit, mon sort est lié au sien. Ma vie sera la sienne et nos existences seront confondues. Comme elle ignore entièrement mon passé, je veux que, pour son bonheur, ma vie lui soit cachée. En effet, ce qu'elle sait de moi, elle ne l'a appris que par des ballades ou par les contes qu'elle a entendu raconter dans son enfance. Aussi, à peine y ajoute-t-elle foi. À ses yeux, je suis le brave Guéder, le partisan, dont les aventures ont été si extraordinaires que mon nom est devenu célèbre dans toute la Bretagne. Connaissant votre tendre amitié pour Marie, je viens vous supplier de ne point empoisonner son avenir en déchirant le voile qui me recouvre. Je n'essaierai pas de me justifier devant vous d'aucun de mes actes. Je vous dirai seulement que quand je vins ici avec 60 de mes gens, je ne l'ai pris que parce que je craignais de rencontrer dans les environs des soldats de la garnison de Brest. Je ne venais de ces côtés que pour m'entendre avec des espions que j'entretenais dans la ville de Landerneau et qui me rendaient compte des menées de Sourdéac. En un mot, j'appréhendais une autre attaque. C'est pourquoi j'étais bien aise d'être instruit des projets de mon ennemi et d'être fixé sur les ressources dont il pouvait disposer. Étant venu si près de mes Arnoux, je songeais alors à la promesse que je vous avais faite de venir vous voir, mais sans aucune arrière-pensée d'enlever votre fille. Ce ne fut qu'après l'avoir vue que l'idée de la ravir me vint à l'esprit. À peine donc eus-je considéré Marie, que sa rare beauté fit sur moi une impression telle que je jurais de la posséder à quelque prix que ce fût. Depuis longtemps, je sentais que j'avais besoin d'une affection réelle. L'existence me pesait, et mon âme était vide. Il me fallait une compagne qui m'aidât à me soutenir au milieu des dégoûts et des ennuis qui commençaient à m'assaillir. J'eus d'abord, je l'avoue, l'intention de vous demander votre fille en mariage. Mais en pensant à mes antécédents, j'y renonçais, persuadé d'avance de votre refus. Voyant donc qu'il fallait prendre un parti extrême, je formais le projet d'enlever ma cousine pendant la nuit, après le départ de M. de Mézarnoux. Je mis à exécution ce que j'avais résolu, et vous n'avez à me reprocher que cet enlèvement, car je le déclare hautement, je ne suis pour rien dans le vol de votre argenterie, ni dans le pillage de votre château. » Mézarnoux, plein d'étonnement, s'apprêtait à répondre à ces dernières paroles, mais la fontenelle ne lui en donna pas le temps. Il poursuivit sa justification. Pendant que j'étais occupé à décider Marie à me suivre, quelques-uns de mes soldats, excités par l'amour de la rapine, pillaient à mon insu votre manoir et emportaient avec eux vos meubles et votre riche vaisselle. Ce ne fut qu'à mon retour à l'île Tristan que j'appris ce qui s'était passé. Et toutes ces richesses, qui représentaient une somme d'environ 40 000 écus, dit impétueusement Mézarnoux, vous vous les êtes appropriées malgré votre prétendue innocence. J'avais formé le projet de vous restituer ce qui vous appartenait, continua la fontenelle, avec une froideur dédaigneuse, car avec les immenses richesses que j'avais enfouies dans mon fort, que me faisait votre vaisselle? J'avais donné des ordres pour que tout vous fût rendu, mais malheureusement pour vous et pour moi, des événements de tout genre m'ont empêché d'effectuer cette restitution. En un mot, ce furent les incessantes agitations, dont ma vie a toujours été pleine depuis, qui furent cause de ce qui se passa. Aujourd'hui, que je n'ai plus à m'occuper que de mes affaires personnelles et du bonheur de Marie, je vous donne l'assurance qu'à mon retour à Douarnenez, je vous ferai remettre votre vaisselle, ainsi que les autres parties de votre mobilier qui vous ont été dérobées. Dans 4 jours au plus, vous rentrerez en possession de ces objets qui sont demeurés intacts et tels qu'ils étaient lorsque vous en étiez maître. Pendant ce discours, Mézarnoux écoutait en silence, mais avec un air d'une grande incrédulité. « Autant que je l'ai pu, ajouta Guéder, j'ai soutenu la Ligue en cette province. J'aurais vivement désiré voir mon pays se détacher de la France et reprendre son ancienne indépendance sous ses ducs. Mes rêves, hélas, ne se sont point réalisés. Demain, je retournerai à Douarnenez, puis dans 4 jours, j'irai avec Marie habiter à Coidélan. Ces projets, je les accomplirai, à moins que vous ne veniez vous y opposer en apportant le trouble et la discorde dans notre union. De temps en temps, votre fille viendra vous visiter à Mézarnoux, et elle y demeurera autant que vous le désirerez. Quant à moi, comme ma présence pourrait vous être désagréable, je vous déclare que je ne troublerai jamais votre tranquillité en venant séjourner chez vous. » Cette défense hypocrite, débitée avec beaucoup de calme et avec un ton empreint d'une grande apparence de vérité, causa la plus grande surprise à monsieur et à madame de Mézarnoux. Cependant, ni l'un ni l'autre ne furent dupes des belles paroles de la fontenelle, et bien qu'ils ne pussent se communiquer leurs réflexions, ils prirent intérieurement la résolution de dissimuler. Certes, il était bien cruel pour eux d'être contraints de subir le mariage qu'il leur avait imposé, mais pouvaient-ils le rompre? Tous deux comprenaient qu'il ne leur restait plus qu'à se résigner et à se recommander à Dieu pour le reste. Quoique Mézarnoux se fût aperçu que l'explication qui venait de lui être donnée n'était qu'un tissu de fausseté, cependant il refoula prudemment sa colère en lui-même, pensant avec raison qu'il ne gagnerait rien à irriter encore par de nouvelles provocations une nature comme celle de son gendre. Il se contenta donc de cette réponse. « Si, comme vous le dites, vous rendez Marie heureuse, l'exécution de cette promesse sera plus agréable pour moi et pour madame de Mézarnoux que celle que vous nous avez faite de nous rendre notre vaisselle. » « Une mère pardonne tout à l'homme qui se consacre au bonheur de son enfant, » s'écria madame de Mézarnoux. « Vous jugerez plus tard de la vérité de mes paroles, » dit Guéder. En prononçant ces mots, il s'inclina respectueusement devant les deux époux, et après leur avoir souhaité le bonsoir, il fut rejoindre Marie. Dans cette circonstance difficile, il ne fut nullement embarrassé sur la conduite qu'il devait tenir en présence des parents de sa femme, dont il voulait essayer de se rapprocher peu à peu, au lieu de s'en faire d'irréconciliables ennemis. Jamais il n'avait eu l'intention d'user de violence avec eux, d'abord en considération de Marie qu'il aimait beaucoup, puis aussi à cause du baron de Beaumanoir. Enfin, il était bien aise qu'en cette occasion, la noblesse du pays apprit la conduite qu'il avait tenue avec son beau-père. Il chercha donc, dans sa première visite, à dénaturer les faits et à pallier sa faute. 11 heures sonnaient alors à la chapelle du manoir. L'orage avait entièrement cessé. Le ciel était parsemé d'étoiles et la lune, dégagée de nuages, répandait ses molles lueurs sur la campagne.